Alors, il y a eu le rétroviseur première formule, il y a eu le rétroviseur 2.0, et là... C'est quelle version aujourd'hui ? Peut-être que là, nous allons commencer une troisième version du rétroviseur. Peut-être que c'est le rétroviseur 3.0, car on va arrêter de jouer pour se consacrer un petit peu plus rapidement au classement. Et puis après, un tour de table pour savoir la série qui vous aura peut-être marqué dans la semaine, mais qui ne figurera pas dans le rétroviseur. Vous avez tout bien compris. Merci à Jean-Luc d'avoir lancé l'émission pour ne pas de faire d'erreurs techniques. Je vais aller prendre le relais. Il va falloir que j'assume. En attendant tout cela, première chanson. Oui, on aurait pu passer The Modern Talking, mais non, Laurent. Ça aurait été bien. Non, tu n'es pas là. Ça aurait été une manière d'avoir Laurent avec nous. Mais il est là quand même. Il est là, mais par l'esprit. Voici Lowley, dernière soirée, notre ami Lowley, plutôt Léo, si vous avez suivi la Starac. Star Academy. Il a sorti son premier single, et franchement, il fait pas la tournée, mais elle dépote cette chanson, on lui souhaite, eh bien, le plus grand succès. À tout de suite pour le rétroviseur 3.0. Ça fait plusieurs mois maintenant que c'est plus la même. Comme une légère impression d'arriver au terme, on se parle mal. Ouais, la fin c'est dur quand on s'aime à l'usure. On fantasme sur la fin de l'histoire, sur nos coups, nos blessures. J'enterre tes messages, tes mots doux, tes chantages. C'est pas trop ma cam, toute cette ambiance macabre. Viens, on part ce soir, ma belle. J'en ai plus rien à faire de cette soirée de merde. On a déjà fini toutes les bières. On va se faire des trucs dont on ne sera pas fier. Et si on part ce soir, est-ce qu'il en restera encore de ces trucs de merde que tu balances quand t'as tort? Et on crie, on pleure, on rit, on stresse, on se demande quoi dire pour que l'autre se blesse. Ouais, j'ai carrément peur de perdre. Ouais, j'ai carrément trop la haine. Fin des noces de merde en enfer. On a niqué, on se reconnaît même plus, on se justifie. Mais quand est-ce qu'on a assumé? Si juste tu pensais un peu à toi, tu te regardes dans le miroir, tu te reconnais pas. Parle pour moi, mais moi tout ce que je veux c'est vivre la vie sans toi. Sale trauma, on se calcule plus, est-ce que ça suffira? J'enterre tes messages, tes mots doux, tes chantages. C'est pas trop macabre, toute cette ambiance macabre. Viens, on se barre ce soir, ma belle. J'en ai plus rien à faire de cette soirée de merde. On a déjà fini toutes les bières. On va se faire des trucs dont on ne sera pas fier. Et si on part ce soir, est-ce qu'il en restera encore de ces trucs de merde que tu balances quand t'as tort? Et on crie, on pleure, on rit, on stresse, on se demande quoi dire pour que l'autre se blesse. C'est la dernière soirée où je t'emmène. Arrête de faire semblant qu'on s'aime. Casse, toi tu me fais trop de la peine. J'en ai rien à faire de te perdre. Les traits se dessinent, évacuent les toxines. On se fait peur, notre temps. Dis-moi, qu'est-ce qu'on attend? Et si on part ce soir, est-ce qu'il en restera encore de ces trucs de merde que tu me balances quand t'as tort? Et on crie, on pleure, on rit, on stresse, on se demande quoi dire pour que l'autre se blesse. Et on part ce soir, ma belle. J'en ai plus rien à faire de cette soirée de merde. On a déjà fini toutes les bières. On va se faire des trucs dont on ne sera pas fier. Et si on part ce soir, est-ce qu'il en restera encore de ces trucs de merde que tu me balances quand t'as tort? Et on crie, on pleure, on rit, on stresse, on se demande quoi dire pour que l'autre se blesse. C'est la dernière soirée où je t'emmène. Arrête de faire semblant qu'on s'aime. Casse, toi tu me fais trop de la peine. J'en ai rien à faire de te perdre. C'était Lowley sur Fadjet avec eh bien, dernière soirée dans Destination Série épisode 14 avec ma sympathique équipe qui est autour de la table avec bien sûr Manon et notre ami Sylvain qui est là. Et donc c'est le moment de retrouver maintenant le rétroviseur 3.0. Tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. Le rétroviseur. Alors, quelles sont les 5 séries de la semaine? Eh bien, on va aller tout de suite eh bien, au but du sujet. Alors, donc, déjà, on ne joue pas. On ne joue pas, je sais bien, mais est-ce que non, vous avez. C'est juste pour comprendre les nouvelles règles. Juste une petite idée de qui peut être premier, mais rapidement. J'ai rien suivi de ce qu'il y avait à la télé cette semaine. Par Elsbeth, je vois pas trop. D'accord. Et alors, cinquième, c'est Cassandre. En rediffusion, 2 230 000 téléspectateurs étaient devant France 3 vendredi dernier. Ça a quand même bien cartonné quand on pense qu'en face, il y avait les 6 millions de la cérémonie d'ouverture des JO. Ah oui, exact. Donc, c'est quand même une belle, belle performance pour une rediffusion de Cassandre. À la quatrième place, c'est Scène de ménage. Ah oui, c'était un spécial mardi. Il y avait un spécial, il déménageait. Ah oui, tu comptes ça dans les séries, d'accord. Ah bah c'est quand même... Oui, moi, Là, j'aurais dit ça tout de suite. Je ne sais pas si Laurent l'aurait comptabilisé, mais Scène de ménage, c'est quand même... voilà, il y avait un toujours prime. Pas fini, ça, c'est interminable, Scène de ménage. Ils renouvellent un peu, mais disons que ils avaient innové parce qu'ils switchaient les endroits. Ils switchaient les endroits, ils allaient les gens... Les personnages, ils les déplaçaient chez les autres. C'est du Airbnb, mais chez tout le monde. Exactement. À la troisième place, il y avait... La Belle et le Boulanger. Alors, Scène de ménage, j'ai pas dit 2 393 000 téléspectateurs pour Scène de ménage. La Belle et le Boulanger, 2 740 000. Alors, voilà. C'est un concept. C'est un concept. Qu'est-ce qu'on en pense de La Belle et le Boulanger? Qu'est-ce qu'on en pense, oui? Oui, alors. Bonne question. Alors, bon, moi, j'ai regardé les deux soirées. C'est sympa. Amir se défend plutôt pas trop mal. Bah, il est sympathique, en fait. Il est voilà. Quoi qu'il fasse, tu le mets sur une chaise, il est sympa. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est pas comme Léo Mathilde, dont on parlera peut-être. Voilà, c'est pas si c'est flatteur pour Amir. Vous le mettez sur une chaise, il est sympa. Dis-moi juste s'il y a Léo Mathilde dans le classement. Ah bah, ça, à mon avis, ça va arriver très vite. Donc, La Belle et le Boulanger. Moi, j'ai pas accroché. J'ai regardé la première soirée. Bon, c'était sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. J'ai même pas regardé la deuxième soirée. Donc, c'est pour dire que je trouve que même le jeu d'acteur est pas si ouf. Amir, ok, mais le reste, je trouve que ça fait vraiment très français, je sais pas. Moi, j'ai pas accroché. Après, bon, oui, ça se défend, quoi. Mais c'est pas ouf. Tente des choses, on va dire. C'est ça. Eh oui. En tout cas, il serait possible qu'il y ait une suite. Bon. Super. Visiblement, j'ai pas un avis. C'est pas acté définitivement, mais bon. C'est pas confirmé. Mais bon, 2 740 000. Est-ce que c'est dans les grilles, justement, pour une série continue? Ouais, c'est pas. C'est une bonne question. C'est pas très ouf. Je trouve que cette semaine, les scores ne sont pas très élevés. Il y a un espèce de tassement actuellement sur les séries. Il y a du lourd sur les plateformes qui. Oui, il y a du lourd. Les gens sont sur les plateformes, à mon avis, mais ça là. Ça tape fort, ouais. Voilà. Bon, à la deuxième place, c'est Meurtre dans les Gorges du Verdon. Alors, il y a toujours un petit meurtre. Voilà, donc ça, c'était samedi soir. Et pourtant, ils n'étaient pas leaders. 3 190 000 pour Meurtre dans les Gorges du Verdon. Il y avait la Starac, c'était la Starac qui était leader pour sa finale quand même. Apparemment, meilleure audience, non? C'était pas ça? Ouais, c'était effectivement une meilleure audience. C'est Léo Mattei. Bon, mais c'est normal, il revient, c'était normal. Voilà, hier soir, 3 596 000, bon... Que les gens qui regardent à midi sont les mêmes qui regardent le soir. Ouais, voilà, bon, après, c'est Laurent qui nous disait qu'il avait regardé et que finalement, ça passait, ou toi, oui, je sais non, plus. Non, il joue comme une pierre, mais c'est pas grave, voilà, on aime bien. Après, voilà, mais en tout cas... Il est pas mauvais, hein, il est juste transparent, je trouve, pas assez... il manque d'épaisseur, il joue toujours pareil. C'est assez monocorde, assez... ça réveille pas. Si tu t'endors, tu n'as aucune chance de te réveiller. Exactement. Mais bon. Alors, voilà, ça c'était pour le classement. Donc, Léo Mattei, le vainqueur de cette semaine, la série la plus regardée. Est-ce que dans la semaine, vous avez regardé un peu quelque chose? Donc, on a compris que Manon n'a pas regardé grand-chose de la semaine. Ah, si, j'ai regardé une série. Mais est-ce qu'on parle des séries de plateforme? Là, on est plutôt sur les séries. Bon, non, j'ai rien regardé alors. Mais après. Moi, je me suis laissé tenter par Scène de ménage, puisqu'il y avait un nouveau concept. Il y avait des bonnes idées, faut avouer, mais. En fait, c'est tellement à grande échelle que ça en devient épuisant parce que ça n'a plus son contexte d'origine. Bon, pourquoi pas, mais c'est un format qui est déjà bien lessivé, je trouve. Ouais. Alors, pour les fans de Un si grand soleil, il y avait aussi une spéciale mardi soir. C'est la semaine des spéciales. Tous les épisodes de la semaine, parce qu'à cause des JO... On était où, en fait? À cause des Jeux Olympiques, il n'y a pas Un si grand soleil tous les soirs sur France 3 à 20h40. Et donc, ils ont fait une soirée spéciale qui a fait quand même un bon 2 millions de téléspectateurs. C'était plutôt pas trop mal à ce niveau-là pour une soirée de série comme ça. Voilà. Ce que je pouvais dire. Et bon, allez, Manon, vite fait, oui. Alors, c'est pas... Qu'est-ce que t'as regardé cette semaine? Il y avait d'autres séries cette semaine que celles que t'as dites, parce que franchement... Je veux parler d'une série qui me tient énormément à cœur, de Disney+. La première saison était sortie en 2023. Et là, ça vient de sortir cette semaine, la saison 2. C'est Le Renard. Je regarde. c'est exceptionnel. J'adore l'univers. C'est incroyable, une série qu'on n'a jamais vue. Mais franchement, oui. C'est un univers qui... Pourtant, sur le papier, c'est pas gagné. Hein. Oui, je suis d'accord. Les acteurs, j'adore. L'alchimie qu'ils ont, c'est incroyable. Donc, foncez voir la saison 2 du Renard, vraiment. Déjà la une, si on l'a pas vu, c'est déjà mieux. La une, et ensuite la saison 2, parce que vraiment, ça vaut le coup, c'est original, ouais. Et ça tient en haleine. J'ai binge-watché, j'ai regardé la saison en une journée. Moi, donc, je prends le temps. Voilà. Je suis un peu comme Laurent, on parlera tout à l'heure, qui a découvert une nouvelle série qu'il a adorée. Oui. Ouais. c'est un petit cliffhanger pour tout à l'heure. Ouais, j'arrive pas à prendre le temps de regarder les séries. On en parlera dans cette actu. C'est vrai. Voilà, donc c'était le nouveau rétroviseur où voilà, on essaie de regarder et de dire un petit peu ce qu'on a pu regarder dans notre lorgnette de la semaine. Et maintenant, c'est presque l'heure de Secrètement Vôtre, le retour de Secrètement Vôtre. Mais avant cela, traditionnellement, il y a cela. Et ça, c'est la musique de quoi ? C'est la musique du mur des hits. Est-ce qu'on va choisir une musique ? Non. Non, alors on ne choisit pas une musique, parce que là, c'est un peu compliqué hein, pour votre pauvre serviteur qui fait la technique. Mais parce t'as qu'on pas a un cahier avec tous tes trucs. Ouais, c'est vrai, c'est j'ai vrai. Des feuilles, j'ai des feuilles, un peu de feuilles partout parce qu'en fait j'ai un ordinateur. J'ai amené plein de choses, perdu, mais j'ai hein. pas regardé mon ordinateur. Perdu. Mais parce qu'il y a eu la femme du boulanger, la belle. Il fallait bien que je le fasse aussi. La belle et le boulanger. Et comme je sais que il y a beaucoup de fans qui nous écoutent et qui aiment Amir, voilà, le mur des hits. On commence avec Amir, avec toi. Avec ses petits pains, parce que vous savez qu'Amir était boulanger. Il avait même une spécialité, Amir, dans la boulangerie de son papa. Donc voici. Il n'était pas dentiste, il me semblait qu'il était dentiste. Amir est dentiste, mais dans le sens la compagnie. Il s'est fanillé, en fait. Il a ressuscité 5 fois. Amir était dentiste, il est devenu chanteur, mais dans la série, il était boulanger. Ah, je croyais que tu parlais de sa vraie vie, pardon. Non, voilà. J'étais encore dans la série La Belle et le Boulanger. Voici Amir avec toi, et puis après, c'est Secrètement Vôtre. Ouais. Je sais bien que t'as voyagé dans les plus beaux pays, goûté les plus beaux hôtels et les grands lits. Près de lui, le chemin du bonheur est bien droit. J'ai compris. Avec moi, c'est vrai que notre lit sera plus petit, parce que je veux que tu sois plus proche de mes bras. La route vers le bonheur sera plus longue aussi, juste pour avoir plus de temps avec toi. J'ai des milliers de jolies choses à te dire, mais pas une seule en est assez belle pour ça. Si on se dit rien, j'aurai pas de mal à tenir, du moment que je pose mes yeux sur toi. De tout ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui, vous vivez dans le plus bel appart de la rue. J'ai compris. Avec moi, t'as pas besoin de tout ça puisque rien ne t'habille. Nous on vivra au-dessus du monde sur les toits, et de toute façon les bijoux ça s'abîme. Le seul qui compte sera la nôtre. Toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi Vendredi dès 18h sur Fadjet, Destination Série. Cette semaine, dans Secrètement Vôtre, on va parler d'un univers où chaque geste compte, où le moindre faux pas se paye plusieurs coups plus tard, et où le silence est parfois plus bruyant qu'un dialogue. Une histoire de stratégie, de solitude et de combat menés loin des projecteurs. Sylvain nous dévoile les secrets d'une série qui a transformé un jeu immobile en véritable phénomène mondial. Une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Chut. Pas de bruit. T'es prêt ? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais ? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas, c'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique « Secrètement vôtre », présentée par Sylvain. Bienvenue dans « Secrètement vôtre ». La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Des hommes vont venir et ils voudront apprendre des choses. Or, ça ne les rend pas plus intelligents. Alors laisse-les parler. Et continue à faire exactement comme tu m'entends. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait ? Je veux dire, être une femme. Au milieu de tous ces hommes. Je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être magnifiques. C'est tout un univers qui se retrouve dans 64 cases. Alors, je ne sais pas si vous avez deviné, mais Benoît est dubitatif. Mais non, mais tu es à la place de Laurent, c'est pour ça que je dis Laurent. Tu ne l'as pas reconnu. Le jeu de la dame ? Mais oui, exactement, ah, oui. Avec Anya Taylor-Joy. Une série qui est passée sur Netflix en 2020, qui contient qu'une saison, car c'est l'adaptation d'un roman, 7 épisodes. Manger très vite, si on regarde le premier, c'est foutu. Et il y a aussi dedans Thomas Brody Sangster, qui joue le renard. Ah. Il est aussi, c'est pour ça que j'ai souri tout à l'heure quand on a parlé, parce que c'est le même acteur qui joue le renard et qui est aussi un champion d'échecs dans cette série. Je savais pas du tout. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Le Jeu de la Dame, puisque c'est de ça dont on parle, en anglais c'est The Queen's Gambit, eh bien, la petite histoire de cette série, voilà un petit résumé. En fait, ça se passe dans l'Amérique des années 60, et c'est une jeune femme qui est prodige des échecs, le jeu d'échecs bien sûr, et qui affronte ses démons personnel tout en gravissant les sommets d'un milieu ultra masculin. Et en fait, la série mêle compétition intellectuelle, la solitude, les dépendances, la quête d'identité avec une précision presque clinique. Alors, parmi tous les secrets et anecdotes, il y en a beaucoup, mais j'en ai choisi quelques-unes aujourd'hui. Et déjà, on va parler de Gambit dans le titre en anglais qui est intraduisible en français. En fait, le Gambit, ça consiste en fait à sacrifier un pion au début de la partie dans un jeu d'échecs afin d'obtenir un avantage de position. C'est aussi une métaphore avec le parcours de l'héroïne. C'est symbolisé par justement le jeu de la dame dans la série. Et le titre en français est plus neutre, il perd un peu la double lecture stratégique, mais c'est pas grave, il fallait bien traduire. Alors, il faut savoir que dans la série, aucun coup n'a été inventé pour le spectacle. On voit beaucoup de parties d'échecs, et pourtant c'est captivant, même si on ne comprend pas la subtilité de tout. Et chaque partie est jouée à l'écran, qui est jouée à l'écran, est réelle. Elle est analysable, elle est historiquement cohérente. Et les producteurs ont travaillé avec Bruce Pandolfini, qui est un maître des échecs, qui est reconnu justement pour garantir la crédibilité de tous les coups joués, des ouvertures et les fins de partie, etc. Et les positions choisies ne sont pas neutres, en fait. Si on a un peu connaît ça, hein, ça reflète l'état psychologique du personnage qui est joué par Anya Taylor-Joy, et à chaque étape de son parcours, on retrouve les pièces dans la position où elle se trouve elle personnellement. Alors c'est un peu subtil à la première lecture, mais quand on re-regarde, on comprend mieux cette explication. Il faut savoir que l'auteur Walter Tevis, qui est l'auteur du roman The Queen's Gambit, parce que c'est adapté d'un roman, l'auteur est décédé en 84 et les droits du roman ont circulé sans jamais vraiment aboutir pendant quelques temps. Et Scott Frank a tenté plusieurs adaptations avant que le projet ne soit enfin débloqué. La série est restée extrêmement fidèle au roman jusque dans les dialogues, il faut le savoir. Alors Netflix toujours, hein, bien sûr, le roman intéressait Hollywood depuis les années 90, mais les studios refusaient systématiquement. Alors le motif c'était quoi? Une femme, des échecs, pas d'action, pas de romance, c'était trop intellectuel, trop statique, ça marchera jamais. Netflix a posé un billet sur la table, ils ont accepté le projet, eh bien presque par pari en fait, et là où ils voyaient un échec commercial, où les autres voyaient un échec, eh bien eux ont pris un pari qui est devenu emblématique. Bon, j'avouerai qu'Anya Taylor-Joy a sûrement y joué pour beaucoup parce qu'elle est talentueuse, elle est belle, elle a tout pour réussir une grande carrière et je pense qu'elle a garanti le succès de cette série pour beaucoup. Alors il faut savoir qu'Anya Taylor-Joy ne savait pas jouer aux échecs. Bon, c'est quand même un comble quand tu fais des séries comme ça, mais elle ne savait pas jouer avant le tournage, donc elle a suivi un entraînement intensif, pas pour devenir championne, mais pour comprendre les logiques du jeu et rendre les réactions crédibles. Les gestes, son regard, le tempo, tout ça, ça a été salué par des vrais joueurs professionnels qui n'y ont vu que du feu alors qu'elles ne savaient que des coups de base pour être crédibles. Et des scènes sont jouées sans montage d'ailleurs pour garder la même crédibilité. Ce qui est impressionnant quand on connaît la complexité du jeu. C'est peut-être pas, à mon avis, une chose facile. Il faut aussi remarquer la garde-robe. Alors, c'est un peu curieux de parler de garde-robe, mais elle suit la logique narrative très précise de la série. Parce qu'au début, on a des couleurs froides quand elle est sur la défensive, au début, et en noir et blanc aussi, pour rappeler l'échiquier. Et les couleurs deviennent progressivement de plus sobres, plus structurées, pour évoquer l'échiquier, effectivement. Mais dans l'épisode final, la tenue évoque symboliquement la pièce la plus puissante du jeu, autrement dit, la reine. Et elle ne s'est jamais verbalisée, mais si vous remarquez la dernière partie d'échecs, on y voit une reine véritablement dans la manière dont elle est habillée. C'est très subtil, mais il faut revoir la série pour comprendre encore une fois tous ces détails. La mise en scène est volontairement non glamour, c'est un choix assumé. Il n'y a pas de musique qui prédomine, pas de romantisation de la chute, les scènes sont sèches, parfois inconfortables, mais il y a eu un impact réel. Après la diffusion, ça fait exploser les ventes de jeux d'échecs dans plusieurs pays. Il y a eu plus de 100% sur certains marchés par rapport aux ventes. Il y a des ruptures de stock fin 2020 sur les jeux d'échecs, il faut le savoir, juste après cette série. Et des plateformes en ligne ont aussi signalé une hausse massive des inscriptions, bien sûr, dans les clubs d'échecs, notamment chez les jeunes femmes. Je ne sais pas si tu t'es inscrit aux échecs. Est-ce que tu as vu la série, Manon, par exemple ? Non, même pas. Dommage. Ouais. Exceptionnel. Mais j'en ai beaucoup entendu parler. Hein. C'est à regarder, tu ne peux pas te tromper. Et même si on n'est pas fan d'échecs. Hein, ah non, ça n'a rien à voir. C'est, on s'attache à cette personne magnifique et on a envie de la suivre. Oui. Et on se passionne à la regarder jouer aux échecs, ce qui est... Oui, forcément, quand on est, on n'imagine pas qu'on peut s'intéresser à voir des gens jouer aux échecs. Oui, mais cette série-là, le plus glamour, voilà, ouais. C'est pas le truc le plus glamour. Mais voilà, c'est pas comme si on regardait des matchs de hockey, par exemple. Mais la mise en scène joue pour beaucoup les personnes, les situations. Enfin, c'est un vrai tour de force, je trouve. Alors, effectivement, comme on le dit, la série est assez assez plate au niveau romance et tout ça, et elle se termine sans couple, sans résolution sentimentale. Le triomphe est bien sûr intellectuel, personnel, et c'est un choix rare pour une série grand public et qui a été salué aussi pour sa cohérence. Alors en conclusion, Le Jeu de la Dame prouve qu'une série peut captiver sans explosion, ni cliffhanger artificiel, ni des coups de théâtre à la Boudère, mais elle transforme la réflexion, le silence et la stratégie en spectacle, et c'est un véritable coup de maître qui est joué sur nos écrans, et tout ça sans tricher. Ouais, c'est vrai. Boudère qui revient lundi soir aussi. Hein. Ah, bonne nouvelle. Je sais pas si tu voulais faire un non, petit clin d'œil, il y a une rediff de Boudère lundi. Non, mais c'est toujours bien d'en parler parce que ça fait plaisir. Exactement. Et ainsi s'achève ce Secrètement Vôtre, un peu différent d'habitude, moins années 80, mais je voulais revenir sur cette série, je l'ai re-regardée pour l'occasion. Ouais, et c'est dommage hein, parce que il y avait une demande pour une suite. Hein. C'est vrai que... C'est vrai, mais c'est tiré d'un roman. Donc c'est tiré d'un roman. Donc il n'y a pas de suite. Hein, et voilà. Et donc Netflix, pour une fois, n'a pas voulu tirer sur la corde, même si la demande était... Il faut que le bijou reste intact. Voilà. La demande était forte, c'est vrai, parce qu'on ne s'attendait pas à se passionner autant pour ce jeu de dames. Donc tu l'as vu, Benoît? Oui, j'ai vu. Manon, non. Non. Quelle erreur. Mais ça me motive. Il y a le renard dedans. Rien que pour le renard. Ouais, ça me motive. Ça me motive. T'as vu comment je sais motiver les gens. Pourquoi pas. Le renard. Et en plus, là, ce qu'on écoute en fond, c'est la bande originale bien sûr. Du film. C'est clair, mais je le précisais parce que c'est en plus une très jolie musique. La musique est magnifique. Ouais. On pourrait presque laisser la musique pendant 2 heures. Voilà. Non, peut-être pas 2 heures, mais on va vous laisser profiter de cette bande originale pendant une petite minute avant de poursuivre. C'était donc Le Secrètement Vôtre de Sylvain qui nous évoquait cette très belle série Netflix, Le Jeu de Dames. Jeu de la Dame, pardon, qui est toujours disponible. Vous pouvez, tu peux faire le rattrapage. Très bien, j'irai faire ça. T'es obligé. On m'a obligé, je vois ça. Je t'ai pas donné l'intrigue générale dans les détails, ni la fin. Mais... Ouais, non, mais ça me donne envie, Il joue bien le renard. Mmh. Ouais. Allez, c'est le moment de retrouver... Je veux la case 13. La case 16. Eh bien, je t'invite, Manon, à regarder par la fenêtre. Et qu'est-ce que tu vois par la fenêtre ? Je vois une église. Ouais, mais si tu regardes un peu à côté de l'église... On verrait presque la lune. Oh, il est fort. Il est fort parce qu'il a regardé. Le tricheur, il a regardé. tricheur, moi, je n'ai pas regardé. Eh bien, la lune, elle est déjà là. Et qui chante la lune ? Christophe Maé, je suis désolée, sous-côté de ouf. J'adore Christophe Maé, il faut le remettre à la côte. Toi, tu viens de découvrir Christophe Maé. Non, pas du tout, mais je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur. Il a des super chansons. Et ben, il va bientôt venir en concert dans la région, tu pourras aller aussi l'applaudir. Et ben, franchement, Maé. Pourquoi pas, j'adore. Christophe Maé, La Lune. Ben, on l'a beaucoup entendu aussi à la Starac, hein. Il est venu chanter plusieurs fois avec celle qui a gagné, Ambre, qui va s'appeler comme Amber quelque chose. Amber Jada. Amber Jada sera son nom de scène. Et voici en tout cas le nouveau single de Christophe Maé, son album sort en mars et ça s'appelle La Lune. Elle est comme la lune, elle a comme un truc qui s'allume, elle a les plus beaux sentiments. Quand j'ai le cœur en enclume, elle dit viens au clair de la lune, comme quand j'étais enfant. Elles sont comme la lune, comme elle. On n'en a qu'une, tu sais, faut le savoir avant. Et moi, il y en a quelques-unes qui m'ont aimé, mais jamais aucune, non, ne m'a aimé autant. Elle est à moi la lune. comme des plumes. On repart dans le vent. Toi, tu resteras sur la dune comme moi, à regarder la lune. Et tu te diras sûrement, elles, elles sont comme la lune, comme elles. On n'en a qu'une, tu sais. Faut le savoir. Jamais aucune, non, ne m'a aimé autant. Moi, je souris sous les étoiles. Elle est à moi la lune. Il y a tellement, tellement d'étoiles. Mais une mère, on n'en a qu'une. Un jour elle s'éclipse, et comme l'était ma lune, j'irai au ciel par échelle ou en avion à hélice. Je ferai tout pour qu'on la rallume. Moi, je souris sous les étoiles. Elle est à moi la lune. Il y a tellement. Et tant qu'on est dans du Christophe Maé, la petite reco Christophe Maé qui n'est pas du tout récente, hein, mais la chanson La Poupée, c'est ma préférée. Allez l'écouter, elle est géniale. Merci Manon. L'émission se poursuit, vous êtes bien dans Destination Série, saison 24, 14e émission avec une pensée à Laurent qui nous écoute, on l'embrasse. Mais il nous manque, bien Laurent. Fort, il nous manque. Oui. Hein. C'est bizarre qu'il ne soit pas là, mais bon. Et là, alors c'est souvent que je dis à Laurent, oh là là, on fait un retour et hop, on fait encore une nécro. Bah, ouais. Et ben là, ça, c'est moi qui vais être obligé de, on va s'obliger de s'y coller. C'était vraiment quelque chose. C'est la musique du jeu de la dame qui nous a mis dans l'ambiance funéraire. Voilà. Et ça m'a touché. Sincèrement, j'avais une larme à l'œil quand j'ai découvert cette info. J'y ai pas cru d'abord. J'ai cru que c'était pas vrai, mais on a été obligé de se rendre à l'évidence. James Van Der Beek, inoubliable star de Dawson, est mort cette semaine. Il avait seulement 48 ans. Et c'est notre hommage que l'on va faire pour lui en ouverture de cette actu. Cette actu avec Laurent et Benoît. Sans Laurent. Révélé à la fin des années 90 pour son rôle culte de Dawson Leary, James Van Der Beek s'est éteint à 48 ans des suites d'un cancer colorectal. Le comédien laisse derrière lui une carrière marquée par la télévision, plusieurs rôles au cinéma ainsi qu'une vie de famille profondément ancrée dans ses choix et ses combats. Pour beaucoup, il sera toujours l'adolescent romantique de la petite ville de Capside. Le comédien est devenu une figure incontournable de la pop culture des années 90 grâce à la série Dawson. Il avait révélé en 2024, au début 2024, un cancer colorectal de stade 3. Notre bien-aimé James Van Der Beek est mort paisiblement ce matin, a révélé son épouse. Il a passé ses derniers jours avec courage, foi et grâce. Il y a beaucoup à partager concernant ses vœux, l'amour pour l'humanité et le sacré du temps. Ces jours viendront pour l'instant, nous demandons une intimité paisible pour que nous pleurions notre aimant, mari, père, fils, frère et ami. A pu-t-on lire sur la page Facebook de l'acteur. Sa disparition survient quelques semaines à peine après l'émouvante réunion organisée, parce que ça se fait beaucoup. Hein. Il y avait celle de Friends qui avait pas mal marqué, qui avait été même retransmise en direct à la télévision. Alors, à l'époque. Contrairement à Friends, il n'était pas présent, il a fait un message visuel. Effectivement, et toute la troupe était là, hein, Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson ou Mary Beth Pale, ils étaient tous là, sauf lui, effectivement, car il était cloué au lit par deux infections virales. Et l'acteur avait néanmoins adressé un message vidéo diffusé devant le public, et un message qui revêt une tristesse particulière. Quelques semaines après, j'attendais cette soirée avec impatience depuis des mois et des mois, depuis que mon ange Michelle Williams m'avait dit qu'elle organisait cette soirée. Je n'arrive pas à croire que je ne suis pas là, je n'arrive pas à croire que je ne puisse pas voir mes camarades de casting, ma magnifique distribution en personne. Je veux juste remercier chaque personne présente dans cette salle d'être venue ce soir, des acteurs à l'équipe technique en passant par tous ceux qui ont contribué à cet événement, qui ont fait preuve d'une grande générosité, et surtout chacun d'entre vous, vous êtes les meilleurs fans au monde. Merci d'être venu, je suis très touché par tout ce que vous avez fait pour cette soirée et je tiens simplement à vous remercier. Ça, on voit par ce message toute la bonté, l'humanité qu'avait James Vanderbeck. Il était, je pense, aussi doux que dans la série Dawson, et c'est vraiment... Il laisse quand même derrière lui, bien sûr, sa femme et six enfants. Ouais, six enfants. C'est amusant d'ailleurs, parce qu'il racontait une anecdote quand il a rencontré son épouse. C'était à Tel Aviv. Et en fait, son épouse l'a dérangé parce qu'il était... Il était effectivement en train de discuter affaires ou voilà avec un et sa femme l'a un peu interrompu en faisant quelque chose, et donc elle a dit qu'est-ce que vous voulez machin, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et ils ne se sont jamais plus quittés, alors qu'au début la rencontre n'était pas forcément on n'aurait pas imaginé que cette rencontre un peu saugrenue et un petit peu absurde. Est-ce qu'il y a une méthode pour rencontrer les autres? Non, mais voilà, c'est assez amusant. Il racontait cette anecdote-là alors qu'il ne cherchait rien de particulier. Il venait de se séparer en plus de sa première épouse quelques mois à peine. Il cherchait rien et puis c'est comme ça qu'il a trouvé cette rousse, comme il a dit, cette jolie rousse qu'il a accompagnée très vite. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Il a, je crois, 4 filles et 2 garçons. Et donc c'est toute cette belle petite famille malheureusement qui est peinée par la disparition de cet être cher. Et on l'a vu récemment briller dans Closer 2, un film qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière sur Prime Video. Il jouait le père, en plus c'était un des rôles principaux. Donc voilà, super film aussi que je recommande si jamais. Film sympathique, classique, mais voilà. Peut-être pas tout jeune, s'il était déjà malade en 2024. Bah, il avait l'âge qu'il a actuellement, c'est pas un vieux film. D'accord. Voilà, il jouait le père. L'avais adoré d'ailleurs dans Les Lois de l'Attraction, où là il jouait un contre-emploi de Dawson, où il était beaucoup plus cynique et noir. Les Lois de l'Attraction, c'est un super film. La réalisation est incroyable, l'histoire est folle. C'est un chef-d'œuvre de mise en scène. Si tu l'as pas vu, Manon, et que t'aimes bien, si t'aimes bien James Vanderbeck. Les recos pour Manon. Non, mais je te fais ton programme de la semaine. Donc, Les Lois de l'Attraction. C'est un autre co en plus du jeu de la dame, mais tu fais dans l'ordre que tu veux. Je note. Il avait également participé à des séries comme How I Met Your Mother, à Esprit Criminel. Oui. Et c'était, comme tu le dis, Sylvain, en 2002 qu'il avait effectivement marqué dans Les Lois de l'Attraction. Très, très gros rôle. Ouais. Il a également joué son propre rôle parce qu'il était fan de l'autodérision dans le sitcom Don't Trust Be in Apartment 23. C'est en 2012-2013. Et puis, plus récemment, en 2018, il avait joué dans CSI Cyber. Hein, les experts. Hein, CSI, les experts. Les experts cyber qui a pas eu beaucoup de saisons. T'as pris des cours d'anglais chez Laurent, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, CSI, non? Non, mais c'est bien. Non, mais j'ai pas percuté. Et il avait participé en 2019 à Dancing with the Stars. ouais. Que vous traduirez par Danse avec les stars. Voilà, c'est ce soir. Voilà. Je sais pas si c'est la même musique là-bas. Mais en tout cas, il avait voilà. C'est une franchise. Mais il y avait quand même un truc, je sais pas si tu as vu Benoît, il avait fait un message sur je sais pas si YouTube ou je crois que c'est YouTube, un message vidéo il y a 3 mois justement où James Vanderbeck faisait un peu un testament en ligne. Il disait voilà, c'est la fin de quelque chose. Enfin, il annonçait, il savait qu'il allait mourir. Ouais, il s'y préparait. Bah, tu t'y attends un peu dans les pronostics ouais. Là, mais disons que ce qui est bien, c'est qu'il faisait un petit un testimonial de 10-15 minutes et c'est très émouvant parce que tu sais qu'il est mort 3 mois après et ça a tout son poids dans la vidéo et c'est très prenant. Je l'ai regardé tout à l'heure, ouais. C'est vrai que ça retourne un peu. Et puis, alors là, c'est peut-être Manon va pouvoir nous le dire. Est-ce qu'il l'a vu ? Parce que pour les plus jeunes, pour ceux qui ont 15-20 ans et qui n'ont pas connu Dawson... Et j'ai connu, hein, j'ai regardé Dawson, c'est toi qui me l'avais conseillé. Oui, oui, mais t'as pas accroché. J'ai pas accroché, c'était vieux quand même. Bah écoute, moi j'ai regardé hier soir parce que TF1... 99, hein, Dawson. Ça se voit que ça a de la patte. TF1 a rendu tout de suite hommage à cette série. Ils ont passé 15 épisodes de suite, j'ai regardé. Ils ont passé pendant toute la nuit... 15 épisodes. Qui a regardé 15 épisodes de Dawson ? J'ai pas regardé. C'est les fans. Mais j'ai regardé les 3 premiers. Et franchement, certes, ça a un petit peu vieilli, mais voilà, on retombe sous le charme. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre. On n'aurait pas forcément regardé cette série-là. Et comme tu dis, Manon, elle a pris un petit coup de vieux. Mais je sais pas, quand il y a quelqu'un qui a bercé un peu votre... Ouais, vous avez plus d'attache que moi. Votre jeunesse. C'est de la Madeleine de Proust. C'est ça. Voilà, et on sait qu'il est parti. Oui. Et ben tout de suite, je sais pas, on voit plus ce côté... Il a dû pleurer, je le connais, laisse oui. tomber. On a plus ce côté désuet, mais bon, bref. Est-ce que t'as pleuré comme à la fin de Stranger Things? Oui, il a pleuré, c'est sûr qu'il a pleuré, là je peux parier. J'ai beaucoup pleuré cette semaine et je vous dirai peut-être tout à l'heure sur quoi j'ai pleuré. Et donc, oui, voilà. Donc, pour les plus jeunes, c'est ce que je voulais dire. Il a fait un mème. Alors, en plus, j'ai appris ce que c'était. Est-ce que Laurent, tu sais ce que c'est qu'un mème ? Laurent. On va appeler Laurent. Pardon, Laurent. Moi, c'est Sylvain. Sylvain, excuse-moi. Laurent, tu nous manques bien. Un partout. Je sais plus. On va mettre des étiquettes. Un partout. Un partout. On est paumé. Un partout, tu l'as fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Je connais les prénoms. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mème ? Oui. Ah oui. Ben moi, je ne savais pas, je l'ai appris en préparant l'émission. Parce que, alors, c'est un mème, c'est une petite vidéo rigolote. Un mème, c'est genre, attends, il faut que je trouve une. Si, c'est un truc rigolo, court, que oui, on imite quelqu'un. Voilà. Et il avait fait, James Vanderbeck, un mème avec. C'est quoi le mème ? Le fameux et la fameuse scène où il pleure justement comme on est dans la... Ah oui, je vois exactement la tête, c'est là où drôle, il apprend que Joanne est amoureuse de Pacey et donc ne sera jamais avec lui et donc là il a fait une grimace en pleurant ouais, et effectivement ça n'a jamais été écrit cela et il avait envie de voilà, il était tellement pris par la scène qu'il a fait cette grimace en s'écroulant en pleurs. Et donc, c'est cette petite vidéo de quelques secondes qui tourne en boucle depuis quelques années maintenant et qui a fait reconnaître aux jeunes, qui a fait connaître Dawson. Voilà, donc on n'est pas à la télé. Oui. Mais, on n'est pas à la télé, je ne peux pas montrer. Manon montrait le même. Voilà. Bon, quoi d'autre dans cette actu ? Donc, parce qu'avec tout ça, on a pris du retard. Hein. On a pris du retard maintenant. On n'a pas pris du retard, ne vous inquiétez pas. Bon. Par contre, je voulais quand même, on ne peut pas parler Dawson sans écouter Paula Cole, parce que cette chanson qui est emblématique de Dawson Creek, c'est une chanson de Paula Cole, I Don't Want to Wait. Open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive, then see the peace in every eye. Once 3 in the war of 44. Allez, les autres actus de ce 7 actu. Alors, on aurait pu en parler tout à l'heure dans le rétroviseur, mais c'est ça que je voulais... Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'un si grand soleil, c'était pas forcément ça que je voulais dire. Je voulais parler d'Anaon, parce que cette saison 2, une saison 2 qui est actée pour France 2, évidemment, vu comment ça se termine. Je ne sais pas si vous avez suivi cette série. 6 épisodes, 2 soirées de 3 épisodes. Et alors, je me suis fait franchement avoir, hein, puisque c'était étiqueté le Stranger Things à la française. Alors moi, maintenant, Stranger Things à la française, je saute à pieds joints. C'est ça que tu m'as vendu, le Stranger Things, c'est ça ? Oh là là ! Non, c'est non, on y va pas. Voilà, c'est pas pareil. Alors certes, il y a des gamins, il y a des vélos, comme a dit habilement Sylvain. Ce n'est pas Laurent, c'est Sylvain. Il y a un flic, tout ça, il y a une enquête, et puis il y a un monstre. Hein, un monstre avec des cornes, une espèce de gros taureau là, mais voilà, c'est sous fond de Bretagne, voilà. Donc c'est Aaron, c'était sur Amazon Prime déjà dès l'année dernière, en fin d'année 2025, et puis là c'était sur France 2. Bon, l'audience, ils ont perdu 1 million, hein, entre la première saison et la première soirée et la deuxième soirée, voilà. On en parle parce que ça a été diffusé effectivement sur Prime, oui. Mais là ça passe sur France 2. C'était sur France 2, voilà, cette semaine. C'est le 4 février même que ça avait commencé, non ? Oui, et ça finit donc ce mercredi-ci. D'accord. Et donc ils ont perdu 1 million, ils étaient à 2,9 millions, ils sont descendus à 1,7 million à la deuxième soirée. Donc pourtant une saison 2 et serait-il en préparation, voilà. Mais je me rappelle qu'on en avait parlé au moment de du festival Sériemania. Oui. Exact. Parce que c'est passé à Lille, on avait parlé d'Anaon et ça avait été bien vendu pourtant. Eh ben oui. Bon après c'est pas... Voilà, mais il faut pas comparer ça à Stranger Things. Moi, j'aime bien l'acteur principal, là, c'est celui qui joue dans... Guillaume Labbé. Oui. Dans Le Diplôme. Oui, exact. Eh, j'ai reconnu, hein. Allez, il y avait aussi, alors, très rapidement... Il y a Erika, oui. Erika qui a rejoint une plateforme de streaming aux US, parce qu'apparemment, ça a super bien marché. Et donc, elle va sur MHZ Choice, je sais même Megahertz. Pas... Megahertz Choice. Ouais, bon, voilà, je suis jeune, c'est vrai, je vais pas tout connaître. Megahertz. Non, mais je connaissais même pas cette plateforme de streaming, honnêtement. Donc, je pense que c'est que ça doit être un TF1+, mais à l'américaine. Mais bon, c'est quand même une bonne chose, hein. Quand même, c'est quand même pas mal. C'est vrai que c'est pas mal, hein. C'est pas une adaptation, en fait. Non, c'est mis tel quel. C'est tel quel. C'est incroyable. Oui, parce que la sœur de l'actrice qui est aux États-Unis a appelé sa sœur. Regarde, tu passes à la télé. Elle en revenait pas, elle était à peine au courant. C'est improbable. C'est improbable. Et sachant que la saison 2 arrive, hein, c'est pour début mars. La saison 2 d'Erika sur TF1. Hein, ouais, voilà, on restera à l'affût alors. On en reparlera. Le 5 mars. Non, 5 mars, oui. Elsbeth, Carrie Preston était très nerveuse sur le tournage de la saison 3 de la série TF1, oui, puisque. Bah. Elsbeth Tassioni pour l'ouverture de la saison 3, eh bien... Elle va jouer avec Stephen Colbert. Elle a joué avec Stephen Colbert, c'était ce mercredi si vous avez raté. Et pourquoi ils avaient tous des pétoches sur le tournage ? Parce que Stephen Colbert est un emblématique animateur de shows télévisés. Et la semaine où il est venu tourner, au début de la semaine, il avait perdu son émission. C'est lui, exact. C'est lui. Donc, tout le monde se disait, mon Dieu, mais il est arrivé dans quel état ? Et on lui fait jouer presque son propre rôle alors qu'il n'a plus d'émission. Et par contre, ça s'est très, très bien passé. Grand professionnel, Stephen Colbert, ça s'est très, très bien passé. Et vous avez vu le résultat. Mercredi, c'était le premier épisode de Delsbeth. Très bien. Oui. Je suis content. Parfait. Il y a juste une petite nouvelle série avec l'acteur du doc, je ne sais pas si on en parle. Oui, exact. Voilà, après le succès de F1, bah, c'est un peu dans le même style, un truc italien. Oui, mais voilà. Pas du tout dans le même style parce que le doc, c'est un médecin. Oui, non, mais. C'est le même acteur. Même style que F1 plutôt. Oui, voilà, même style que F1. Et Luca Argentero, c'est lui, hein, le héros du doc. Eh bien, on parle de Motor Valley. Moi, ça me donne un peu envie. Ça, Motor vous voyez, Valley, si vous aimez les voitures et la course automobile, hein, vous serez sur le circuit de Monza, tout ça. Hein, tout a été fait dans les circuits italiens. J'adore. C'est disponible, hein, depuis le 10 février. C'est disponible depuis le 10 février. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Parce que moi, je vais regarder aussi. Bon, moi, on regardera ça et on en reparlera. Voilà ce qu'on pouvait dire. Vous retrouvez tout cela, hein, sur samedi.fr, bien sûr, sur Destination Série. Pas de soucis. Toutes ces infos-là sont sur le site. Ce ne serait pas l'heure d'un Manon Série Quiz. Est-ce que ça ne serait pas l'heure de jouer ? Eh oui, est-ce que ce ne serait pas l'heure de jouer ? Parce qu'il est déjà 18h55 et on va mordre sur une émission excellente qui revient également. Bon, je vais en parler à l'animateur, ça va s'arranger. Ouais, tu crois ? Je ne suis pas sûr. Ouais, je connais. Et vous avez vu, je n'ai pas râlé aujourd'hui. Destination Série, le Manon Série Quiz. Bon, Laurent n'étant pas là, c'est un peu compliqué de jouer avec puis des t'as points. T'as oublié de me donner les réponses parce que tu me les donnes d'habitude. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on va un peu changer le concept. Wow. J'ai eu l'idée pendant la nuit. Alors, vous savez, je crains le mon pire. Cerveau est un peu bizarre. Donc, si ça marche pas, ça marche pas. C'est pas très grave, y a pas de point. Le but, c'est qu'en vrai, je vais vous pitcher des pitchs de séries. Il faut savoir si ce sont des vraies séries qui existent ou des fausses. Et alors, si vous avez le petit truc, vous me reconnaissez la série. Mais ça, c'est pas obligatoire. Je veux juste savoir si c'est des vrais pitchs. Sauf si elle n'existe pas. On dit juste vrai ou faux ou on doit trouver les noms. Voilà, vrai ou faux. Et si c'est vrai, est-ce que ça vous parle d'un truc? D'accord, ça vous fait allez, allons-y. C'est marrant allez, ce jeu. Est-ce que c'est un vrai pitch ou pas? C'est pas mal. Allez, vas-y. Ok, on commence par un facile. Des inconnus participent à des jeux mortels pour gagner de l'argent. Oui, ça existe. C'est le truc coréen, là. Tout à fait. Oui. Ça va arriver. C'est en route. C'est presque. Oui, enfin, on l'a trouvé. Squid Games. Squid Games, voilà. On l'a voilà, donc vous avez compris le principe. Oui. C'est ça. Ok, allez. Deuxième. Un tueur en série travaille pas pour la police. Dexter. Très bien. L'affaire à ça. Une petite ville côtière vit principalement du tourisme, jusqu'à la disparition inexpliquée de plusieurs saisonniers. Est-ce vrai? Ça pourrait, hein. Est-ce un vrai speech ou un faux speech? Netflix, est-ce pas Netflix en gros? C'est un peu ça. Enfin, même si c'est pas que des séries Netflix. Moi, je soupçonne que t'as pris que des vraies séries parce que pour aller trouver les pitchs. Je sais pas. À mon avis, je dirais oui quand même. Oui, c'est je dirais oui aussi. C'est tellement probable. C'est vrai? Oui. J'ai vu des séries. Eh ben, c'est faux. C'est faux. Ah oui, mais là, ça aurait pu. Eh ben, justement, le but, est que c'est un peu probable. Je pense que oui, il y avait une série comme ça. C'est un peu l'histoire de Dolmen aussi. Il y avait des disparitions dans une ville. Ah, peut-être. Mais bon, ça se trouve, j'ai inventé une série qui existe. Non, mais je sais pas. Il faudrait que Laurent nous dise ça. Ça serait fou. Dolmen, c'était pas un peu ça? Une disparition dans une truc. Enfin, bref. Non, mais là, c'est le principe, ça n'existait pas. Oui, d'accord, ok. Vas-y. Bon, un homme travaille pour une organisation secrète qui corrige les erreurs du passé. Est-ce vrai ou est-ce faux? Une organisation qui corrige les erreurs du passé. Du passé. Attention, si on parle. Bah, moi, je dirais oui, parce que Code Quantum fait un oui, peu ça. Oui, c'est un peu ça, je pensais à ça. Il y a aussi Timeless qui fait un peu ça. Enfin, c'est pas des erreurs, non. C'est Code Quantum qui corrige. Non, pas, alors, c'est pas volontaire qu'il aille corriger. Il essaye de rattraper à chaque fois le bateau, mais. Alors ? C'est probable, mais c'est pas le pitch de Code Quantum, mais elle l'a pas vu, donc je dirais non. Ça n'existe non. pas. C'est Loki ? Ah, Loki ! Loki, wow. La série Loki ! Loki. Ah là, je l'ai pas vu venir. Ah oui, non, moi non plus, ouais, bien. Ah là. Attention, excellent acteur d'ailleurs dans Night Manager. Exactement. J'adore Night Manager, super série aussi. Ouais. Vrai ? Ah, t'es mis dedans alors. Ouais, bon, bref, ça y est. Ça a du mal à démarrer, mais c'est super après. Ah oui, je suis fan. Un adolescent découvre qu'il est la seule personne au monde à ne pas avoir de super pouvoir. Est-ce un vrai speech ou un faux speech ? Oui. C'est quoi ça ? Non. Non, parce que c'est trop... Vous avez le droit d'avoir des positions différentes. Je sais pas, non. Non. Non ? Ça n'existe pas. Et toi, tu dis vrai ? J'aurais dit vrai, mais je vois plus ce que c'est. Eh, c'est faux. Ah, c'est faux. C'est faux, ouais. Voilà. Bah, super pouvoir, je me suis dit... Ça pourrait faire un pitch aussi de ça. Bah oui. Netflix, si vous m'entendez, je vous donne des petites idées. Une journaliste spécialisée en faits divers reçoit anonymement des dossiers concernant des affaires jamais résolues. Est-ce un vrai speech ou un faux speech ? Une journaliste qui reçoit des dossiers anonymes sur des affaires jamais résolues. Anonyme, non, parce que s'il y avait les dossiers classés, là, comment ça s'appelait ? Cold case, mais c'est pas... Ça colle pas à ce qu'on connaît, en fait. Oui, ça colle pas à cold case, donc... mais c'est un peu comme cold case, quand même. Il n'y a pas assez de détails, donc c'est faux. C'est faux. Alors, je connais la technique. Ça y est, il a la méta. Des passagers d'un avion découvrent qu'ils ont disparu pendant plusieurs années sans savoir. Lost, oui. T'es sûr de toi ? Oui. C'est pas ça. C'est pas Lost. Non, c'est pas Lost. Hein. Ils n'ont pas appris qu'ils avaient disparu. Ils ont disparu. Ils ont disparu, oui. Bah. Les passagers d'un avion découvrent qu'ils ont disparu pendant plusieurs années. Non, c'est les 100. Les 1100 ou... Non, c'est pas les 1100 non plus. Non. Mais ça existe. Oui, ça existe. Ça existe. Oui. Vous n'avez pas la série ? Je m'arrête plus. C'est du facile, ça. Ils ont disparu et ils reviennent. Bah c'est les 100, non c'est non, pas ça. Non, c'est pas les 100. C'est Manifeste. Manifeste, oui, voilà, je l'avais, c'était Manifeste. Voilà. Ça existe. Un groupe d'amis tente de survivre dans une ville où plus aucun adulte existe. Oui, d'amis ça, sans adulte. Ça existe, ah oui. C'est quoi ? Je ne sais plus. Ah. Ça existe ? Je ne sais plus non plus. C'est The Society. Ah oui. Voilà. Une femme meurt et atterrit par erreur au paradis. Oui, c'est The Good Place. The Good Place. Et ouais. Oui, ouais, super ouais. Série, j'adore. Tu ne la referas pas deux fois, je l'ai oublié la dernière fois. Et oui, bah oui, c'est pour ça que je l'ai remis. En fait, tu recycles tout. En fait. Bah, c'est un nouveau concept, ouais, moi, j'ai le droit de... Je pense comme toi maintenant. En fait, je pense à tout ce que tu penses. Ah là là. Et la dernière, un ancien hacker est recruté officieusement par la police pour infiltrer un forum clandestin. Oui, c'est avec l'acteur qui a fait Freddie Mercury. Comment c'est le titre c'est pas Mister Mercedes, c'est comment c'est Mister Nobody. J'ai inventé ce speech. Ah bon. Un ancien hacker est recruté officiellement par la police pour infiltrer un forum clandestin. Je sais pas, je me suis dit fallait de l'acting, mais je sais qu'il y a une série avec un hacker. Oui, exact. C'est vrai. Voilà, c'est le nouveau concept des absents. C'est sympa. C'est pas mal. J'aime et on bien. Peut raccrocher à plein de séries à chaque fois. En fait. Exact. Ah, c'est, oui, c'est ça. C'est ça. Ainsi s'achève Destination Série. Il est 19h passé de une petite minute. On est vraiment bien. Merci on à est vous bien. Deux. On est bien. Merci de nous avoir suivis.